Vous écoutez toujours CKRL 89.1 et dans cette deuxième partie d'émission, je vous lance une question. Le beurre d'arachide est-il un poison? En fait, cette question, ce n'est pas moi qui vous la lance, c'est Maxime Cusic, étudiant à la maîtrise au laboratoire du docteur Steve Lacroix au Centre de recherche du CHU de Québec. Bonjour Maxime. Bonjour Valérie. Alors j'espère que ce n'est pas un poison le beurre d'arachide. Alors... Non, bien entendu, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. S'il vous plaît, ne vous précipitez pas pour jeter tout votre beurre de peanut à la maison. Mais justement, c'est une question là, que je me suis posée puisque la semaine dernière, j'ai eu un cours là, de génomique. Puis on a entendu parler d'un champignon qui s'appelle Lamanita phalloides ou phalloïdes, pardon, mon latin n'est pas encore aiguisé. Mais en gros, ce champignon-là, c'était l'un des plus mortels. Il causait la mort en... environ le 7 jours, puis il n'y avait presque aucune façon là, de le détecter puisque les premiers symptômes apparaissaient comme une dizaine d'heures après l'ingestion. Puis après 6 à 7 jours, on avait une défaillance des reins puis du foie. Donc pour les plus curieux, là, le champignon il va inhiber la RNA polymérase donc qui agit sur la transcription, qui est un phénomène assez important là, chez l'humain. Mais bref, pour revenir à mon beurre de peanut... En fait, chez plus de 2,2 millions d'Américains, eh bien, le beurre de peanut peut causer là, un relâchement massif de molécules là, qui sont très toxiques puis qui peuvent causer la mort en une quinzaine de minutes environ. Ah, c'est rapide, là. C'est... Exactement. Donc, en comparaison là, à notre champignon qui est extrêmement mortel, bien, notre beurre de peanut, finalement, il n'est peut-être pas si inoffensif que ça. Mais inquiétez-vous pas, c'est... en fait, là, c'est pas... commun, ou du moins, c'est plus ou moins commun. Mm-hmm. Ces personnes, en fait, pour qui là, le beurre de peanut est plus dangereux, eh bien, c'est des personnes, en fait, qui ont des allergies. Tu sais, les allergies, on entend parler, on dit « Ah, pourquoi ils parlent encore d'allergies? Pourquoi j'ai pas le droit d'amener des peanuts à mes cours? » Ben, c'est parce que c'est un aliment qui peut s'avérer extrêmement dangereux, qui est très létal. Effectivement, là, c'est possible de traiter facilement. Mais ça peut là, être assez dangereux. C'est pour ça que je voulais venir en parler aujourd'hui. C'est ça, exactement. Il faut quand même être conscient que ce n'est pas juste une rigolade pour les personnes qui ont ces problèmes d'allergie. Mais donc, on comprend que le beurre d'arachide serait dangereux à cause des allergies. Mais justement, en fait, c'est quoi une allergie? Alors, dans le fond, une allergie, il s'agit d'une réponse démesurée du système immunitaire. Donc, le système immunitaire, il y a une très fine ligne où est-ce qu'il va bien faire son rôle. Donc, soit qu'il va être... Sinon, soit qu'il peut être trop faible, puis par exemple, là, ça peut mener à des cancers, ou est-ce qu'il sera pas capable de tuer les cellules, ou ici, il va être trop fort, puis il va tellement attaquer de façon là, puissante la molécule nocive, qui va en fait là, être dommageable autant pour la molécule que pour nous. Mm-hmm. Donc, bien entendu, une réponse immunitaire là, normale serait contenue dans le temps et l'espace, donc ça veut dire... Par exemple, une réponse immunitaire là, qui serait localisée dans une petite zone à l'intérieur de notre corps, puis qui durerait pas trop longtemps, mais d'une allergie, on va avoir là, la sécrétion massive de plusieurs molécules. Puis ça, ça va activer des cellules un peu partout dans l'organisme. Puis justement, ça va faire qu'il va tellement avoir de cellules activées, ça va tellement se propager rapidement qu'ultimement, ça va être dommageable. Puis on peut là en mourir par les effets de ces... molécule-là. Il faut aussi savoir qu'il y a environ 10% de la population mondiale qui est atteinte d'allergies sévères, puis ce chiffre-là augmente. Par contre, on ne sait pas encore pourquoi et qu'est-ce qui cause ça. Mais que le système immunitaire semble jouer un rôle important dans les allergies, et a priori, ça semble un peu surprenant, parce qu'on peut penser que son rôle au système immunitaire, c'est de nous protéger et pas de nous mettre en danger. C'est tout à fait vrai, exactement. Je pensais à ça justement tantôt en m'en venant ici. Souvent, à chaque fois, je viens vous parler du système immunitaire, c'est pour vous dire qu'il est méchant. Donc, on a parlé souvent de la sclérose en plaques, la dépression, là, des allergies, encore le système immunitaire qui est méchant. Mais je pense qu'il faut lui donner un peu de crédit parce que c'est un système qui comprend là, beaucoup de joueurs, puis chacun va avoir un rôle essentiel. Donc, je vais vous les présenter, l'histoire qu'on se perde pas pour le reste de la soirée. Donc, il faut savoir que le système immunitaire, c'est un peu comme un jeu d'échecs. On va avoir plusieurs pions, donc plusieurs cellules, puis chacune d'entre elles ont un rôle qui est légèrement différent, mais on a besoin là, de tout le monde pour gagner la partie. Alors, on a par exemple des neutrophiles, eux, c'est des cellules. Il y en a beaucoup dans le sang, il y en a quasiment jusqu'à 70% de toutes les cellules de notre sang, c'est des neutrophiles, mais pourtant, ils vivent environ 6 heures. Donc, à toutes les 6 heures, on a une nouvelle batch de neutrophiles. Puis, leur rôle, eux, c'est vraiment de relâcher des enzymes, ou plutôt des ciseaux moléculaires. Ils vont relâcher aussi différentes molécules pour tuer les bactéries. Il y a même des études qui ont montré que les neutrophiles pouvaient carrément lancer leur ADN sur les bactéries autour. Ah ouais? C'est pas encore très clair si c'est bon ou non, mais c'est un de leurs principes. On a aussi des cellules qui s'appellent les monocytes, qui peuvent devenir là, des macrophages, un peu comme une évolution Pokémon. Et ces macrophages-là, en fait, ils vont là, dévorer carrément les bactéries, les pathogènes et tous ces éléments-là qui seraient nocifs. On a aussi des cellules dendritiques. C'est des cellules dendritiques dont des dendrites s'agit en fait là, de longues ramifications. On peut penser un peu à une cellule qui ressemble à une étoile. Et son but, en fait, avec ses ramifications, c'est un peu là, comme des bras, bien, elle va aller scanner son environnement autour d'elle. Mm-hmm. Puis son but, en fait, ça va être de trouver des molécules qui sont nocives, le détecteur des intrus. Exactement. En plein comme une caméra de surveillance. Ouais. Puis elle, son but, une fois qu'elle va avoir trouvé un intrus, ben elle va aller le présenter à ce qu'on appelle là, les lymphocytes T. Donc les lymphocytes T, c'est vraiment eux qui sont les chefs d'orchestre de tous ces pions-là d'échecs dont je vous parle. Puis une fois que la cellule dendritique va voir notre lymphocyte, elle lui dit « Ah, regarde, j'ai trouvé cet intrus-là, il n'y a pas d'affaire là. » Ben le lymphocyte, lui, sa job va vraiment être de diriger une attaque contre notre intrus. Mm-hmm. Alors, il va se multiplier de façon là, extrêmement intense, puis il va relâcher justement toutes ces fameuses molécules-là qui vont attirer les joueurs dont je vous parle, puis qui vont aller détruire notre intrus. On a aussi là un autre type de lymphocyte T, puis eux autres, le job, c'est vraiment d'aller s'accrocher à notre bactérie, par exemple, puis par exemple, des cellules cancéreuses. Mm-hmm. Lorsqu'on voit qu'une cellule va pas bien, bien, ce fameux lymphocyte T-là va aller s'accrocher à notre cellule qui est malade, puis la détruire là tout simplement pour éviter que ça se propage. Et finalement, on a aussi les lymphocytes B. Eux, ça serait plutôt là, j'avais pas trop de façon de m'imaginer. Dans ma tête, ça serait surtout des soldats d'élite. Pourquoi? Parce qu'ils sont capables de trouver une cible très précise. Ah ouais. Puis ils vont construire ce qu'on appelle des anticorps. On en a tout le temps parlé là, dans le cadre de la COVID-19. Ah, le taux d'anticorps ouais. En lien. Ben, dans le fond, un anticorps, c'est une protéine qui va être très spécifique contre, par exemple, le virus de la COVID-19. Il va s'y lier, puis ça va dire à nos autres cellules que j'ai présentées, « Ah, regardez, ça, c'est notre intrus, allez l'attaquer. » Donc, c'est le tireur d'élite, effectivement, qui va attirer et qui va abattre précisément un ennemi en particulier. Exactement. Ouais. Donc, c'est vraiment drôle. J'aime bien cette analogie avec le jeu d'échecs où chaque pièce a une façon de se déplacer. On peut leur faire jouer des rôles différents. Mais dans un jeu d'échecs, il y a des stratégies. Donc, est-ce que c'est la même chose, là? Il y a une stratégie pour faire agir toutes ces cellules? Exactement. Donc, vous l'aurez compris, là, on a affaire ici à des cellules qui sont très puissantes. Donc, si chacun fait à sa tête, ça va devenir du grand n'importe quoi. Ouais. Donc, par exemple, pour expliquer simplement, là, avant de me lancer dans des contextes d'allergie qui sont, comme vous vous en doutez, des syndromes qui sont pas... J'ai juste normaux en tête, mm-hmm. là, donc c'est pas quelque chose qui est supposé arriver. Par exemple, prenons, je sais pas, moi, on fait la cuisine, puis on se coupe avec un couteau. Donc, quand on se coupe avec un couteau, nécessairement, on voit qu'il y a un trou qui se forme dans notre peau. Donc, un, on vient de briser des cellules qui étaient à cet endroit-là. Puis, deux, ça permet à des bactéries de rentrer dans notre corps, donc ils sont plus là, bloqués par la peau. Qu'est-ce que ça fait, ça, quand on brise des cellules? Ben, ils vont... Par exemple, vous savez, une cellule, c'est composé d'une membrane, puis à l'intérieur, on a ce qu'on appelle le cytoplasme, et à l'intérieur même, on a le noyau. Ben, toutes ces protéines-là qui sont dans le cytoplasme, dans le noyau, ben, vont se retrouver à l'extérieur de la cellule. Et un peu comme si vous partez votre lave-vaisselle, puis que l'eau, elle est sur votre plancher et pas dans le lave-vaisselle, ben, vous vous dites, nécessairement, il y a un problème, il n'est pas supposé d'avoir d'eau. Donc, quand les autres cellules voient ces protéines-là du noyau, ils vont se dire, hey, ça, c'est pas supposé d'être là, c'est supposé être dans notre cellule. Donc, ces fameuses molécules-là s'appellent les DEMPS, pour ceux qui sont plus curieux. Puis, ces DEMPS-là vont activer notre système immunitaire. C'est là qu'on va avoir, justement, un relâchement d'autres molécules pour attirer les fameux là, joueurs que je vous parlais. Mm-hmm. Donc, les premiers répondants, c'est les neutrophiles. Vous vous rappelez, c'est mm-hmm. une des cellules là, qui est la plus présente dans notre flux sanguin. Donc, elle va traverser le vaisseau sanguin, se rendre là où est-ce qu'on s'est coupé. Puis là, elle va se mettre à commencer à tuer nos bactéries, puis à attirer nos autres cellules. Elle va aussi relâcher différents, ce que j'appelle là, des signaux pro-inflammatoires. Donc ça, c'est plein de molécules qui vont aussi perméabiliser nos vaisseaux sanguins. Donc là, on va avoir là, une accumulation de liquide. Ça va creuser donc de l'œdème. Ça va devenir plus rouge à cause du sang là, qui va ralentir à cet endroit-là. Ça va aussi causer la douleur. Bref, enfin, tous les symptômes là, que vous connaissez quand on se coupe. Puis, ça, ultimement, ça va entraîner toutes nos cellules, les macrophages, les neutrophiles, les cellules dendritiques, à aller tuer nos microbes. Puis, si elles sont pas capables, c'est là qu'on appelle le système immunitaire, qu'on appelle adaptatif. Donc, les fameux lymphocytes, si vous vous rappelez, c'est eux qui sont nos cellules qui viennent, t'sais, les plus efficaces, les soldats d'élite et autres, qui viennent détruire notre microbe si on n'en a pas besoin. Puis, finalement, après tout ça, quand on a tué le microbe, ben, nos lymphocytes T et B sont capables de se rappeler du microbe qui les a attaqués. Comme ça, là, ils n'auront pas de mauvaise surprise s'il revient. Oui, c'est ça, exactement. Ils auront déjà la parade. Donc ça, c'est quand même toute une cascade d'événements. C'est quand même assez impressionnant. Mais dans le cas d'une allergie, en fait, il se passe quoi? Parce que, bon, l'arachide ou le beurre du pollen, ce n'est pas des microbes non plus. En effet, c'est tout à fait vrai. C'est là, justement, que ça... J'ai toujours été curieux de savoir pourquoi est-ce que quand on a un microbe, il se passe ce dont là, je vous ai expliqué avec les neutrophiles et tout. Puis quand c'est une allergie, ben c'est la mort en 15 minutes. Ouais. Donc, enfin, pas pour le pollen, vous l'aurez compris. Bien entendu, là, il y a différentes réponses aux allergies, mais admettons, pour revenir à mon fameux beurre de peanut poison, en gros, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on... En gros, le beurre de peanut, c'est, comme vous en doutez, plusieurs protéines, plusieurs molécules, puis... Il y a un sous-groupe de lymphocytes B. Donc, même là, si je vous parlais du lymphocyte comme une cellule, bien entendu, chacune est différente, un peu comme les êtres humains, après tout. Puis, nos lymphocytes B, il y en a une petite gang qui vont reconnaître notre beurre de peanut, puis relâcher des anticorps. Mais la première fois qu'on mange du beurre de peanut, il n'y a rien qui va se passer. Il faut tout le temps attendre là, une deuxième... ce qu'on appelle exposition à notre allergène, donc le beurre de peanut dans ce cas-ci, pour avoir une réponse. Pourquoi? Parce que l'anticorps, lui, va être relâché par nos lymphocytes, puis il va aller se lier sur ce qu'on appelle les mastocytes. Donc oui, je sais, encore une fois, une autre cellule, il arrête pas d'en avoir, mais les mastocytes, eux, ils vont être dans nos tissus, donc ils vont longer là, nos voies respiratoires, ils vont être aussi dans les intestins. Mm-hmm. Puis quand nos lymphocytes B relâchent cet anticorps-là, le mastocyte va l'accrocher sur lui, un peu comme un porc-épic, par exemple, il va avoir plein de petits pics sur lui. Donc, quand on ingère à nouveau du beurre de peanut, là, le mastocyte va le reconnaître directement. Puis, les mastocytes, c'est comme une bombe. Ils ont plein de sacs de molécules hautement réactives dans eux. Puis, quand le beurre de peanut leur touche, ben, ils vont carrément exploser puis relâcher toutes ces molécules-là, dont ce qu'on appelle l'histamine. Puis, le rôle de l'histamine, ça va agir, par exemple, sur nos muscles. Ça va refermer la voie respiratoire. Ça va réduire la pression sanguine. Donc, très rapidement, on va avoir une réaction là, qui va se propager partout. On va aussi appeler nos fameuses cellules que je vous parlais tout à l'heure. Donc, quand ces mastocytes-là explosent, en gros, ça va causer tous les symptômes là, qu'on connaît d'une allergie, puis ultimement, une perte de connaissance et la mort. Ah ouais. Et donc, c'est ça le fameux choc anaphylactique? Oui, exactement. Okay, d'accord. Mais en fait, si c'est si dangereux, pourquoi est-ce qu'on a ce système en nous? D'où ça vient? Parce qu'il ne sait pas, d'un point de vue évolution, c'est pas tellement gagnant d'avoir un système immunitaire qui nous met à terre dans certains cas. Effectivement. Donc, c'est encore là quelque chose qui reste une hypothèse dans le monde de la recherche, mais une hypothèse sur laquelle j'ai lu puis j'ai trouvé très intéressante, c'est que historiquement, les êtres humains étaient constamment confrontés à des parasites. Donc, des parasites, c'est des... Par exemple, il y a des petits vers qui sont très petits pour nous, par exemple, tu sais, 1 mm. Mais pour une cellule immunitaire, c'est comme si moi, je m'attaquais à quelqu'un là, qui est 1000 fois plus grand que moi, comme si moi, tout seul, j'allais combattre un édifice. Donc, nos cellules avaient besoin d'un système là, extrêmement puissant pour causer du dommage à notre parasite, puis pour attirer là, toutes les cellules immunitaires sur cette bébite-là. Alors maintenant, aujourd'hui... On n'a plus affaire là, aux parasites, du moins dans les pays développés. Donc, on pense que nos cellules auraient trouvé d'autres produit attaqué. Ouais, c'est ça, une autre fonction. Elles ont trouvé, se sont détournées vers d'autres intrus. Est-ce qu'il existe une façon de freiner les allergies? Alors, oui, il y a plusieurs façons. Donc, je l'ai un peu dit en entrée de jeu que oui, les allergies, c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux. J'espère que vous l'aurez compris là, à ce point-ci de la discussion, mais que c'est facilement traitable, par exemple, avec l'épipène. Donc, l'épipène, en gros, c'est une injection massive d'épinéphrine, qui est une façon là, scientifique de dire l'adrénaline. Puis ça va venir dilater nos vaisseaux sanguins, puis ça va dilater également nos voies respiratoires. Donc, ça va permettre à une personne, là, il y a un choc anaphylactique, de se remettre à respirer. Bien mm-hmm. entendu, c'est pas suffisant pour freiner la réaction, mais ça laisse le temps de se rendre à l'hôpital, puis de rallonger, en fait, là, notre fameux temps de 15 minutes. Mm-hmm. On a aussi, par exemple, si on respire du pollen, on prend pas nécessairement un shot d'épipène à chaque fois. Mais si jamais c'est quelque chose là, qui vous occasionne trop de soucis, il est aussi possible de prendre des antihistaminiques. Mm. Donc, c'est contre l'histamine, cette fameuse molécule relâchée par nos méchants mastocytes ici. Alors, ça peut avoir pour effet de réduire la réponse immunitaire à notre allergène. Mm. Et est-ce que c'est possible de se désensibiliser? Il me semble qu'il y a des traitements où on nous donne, on nous expose à petites doses, donc l'allergène en petites doses, puis de plus en plus jusqu'à être désensibilisé. Ça marche, ça? Oui, ça marche dans certains cas. J'ai déjà vu un reportage où est-ce qu'il avait enlevé une allergie à une piqûre de guêpe, par exemple, à quelqu'un faisant cette méthode-là. C'est sûr, par exemple, puis aujourd'hui, là, on a parlé d'allergies qui sont extrêmement puissantes. Donc, mm-hmm. dans ce cas-ci, la désensibilisation ouais, serait pas non. possible, puisque la première dose serait déjà très dangereuse. Ouais. Mais oui, c'est possible dans certains cas. Peut-être pour des allergies moins graves, peut-être, mais qui sont gênantes dans la vie courante. Puis, à l'inverse, si je peux me permettre, c'est aussi possible de développer une allergie à l'âge adulte. Par exemple, des personnes qui sont pas allergiques aux crabes peuvent développer une allergie. Ou encore quelque chose qui se rapproche un peu plus de mon domaine, quand on travaille avec des animaux, on a tout le temps des masques N95 parce qu'on pourrait devenir allergique aux animaux avec lesquels on travaille. Puis bien entendu, on veut éviter ça, d'où les masques là, de procédure assez puissants. Donc, t'as pas attendu la COVID pour mettre des masques de procédure. Exactement. Ouais. Est-ce que c'est possible de guérir d'une allergie grave? Je veux dire, quelqu'un qui est allergique, effectivement, au beurre d'arachide et qui, bon, finit par être guéri, est-ce que ça existe? Alors, malheureusement, la réponse est non. Ah. La raison, c'est qu'on comprend pas encore pourquoi, exemple, quelqu'un qui est allergique, bien, ses lymphocytes B vont répondre et tout, alors que quelqu'un qui est pas allergique, pourquoi est-ce que là, les lymphocytes B répondent pas? Donc, c'est une question à laquelle on n'a pas encore répondu. Alors, bien entendu, la meilleure façon jusqu'à aujourd'hui pour les personnes allergiques de se protéger, ben, c'est de ne pas être en contact avec cet allergène-là. Et ça nous rappelle aussi là, de garder en tête que même si pour nous, le beurre de peanut, c'est bien correct, ben, peut-être que pour les gens autour, ça Exactement. Peut être beaucoup plus dommageable. Donc, c'est nécessaire de faire attention. Exactement. Donc, effectivement, les allergies alimentaires, c'est pas anodin pour les personnes allergiques. Et donc, pour en revenir à la question du début, bien oui, le beurre d'arachide, pour certaines personnes, c'est un poison. Alors, Et oui, exactement. Et donc, pour les autres personnes, il faut qu'on fasse attention. Alors, merci beaucoup, Maxime. Ça me fait grand plaisir. Je rappelle que nous étions en compagnie de Maxime Cusic, étudiant à la maîtrise au laboratoire du Dr Steve Lacroix au Centre de recherche du CHU de Québec.